Généralement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères. L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale. Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle. Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur. Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous. Vous voici conviés comme chaque jour de cet été par le Collège de France et France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Aujourd'hui, nous explorons le renouvellement de la lecture de la Bible en compagnie de l'exégète philologue spécialiste de la Bible hébraïque Thomas Römer. Cet enseignant-chercheur d'origine allemande, doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, rappelle que la Bible n'est pas un corpus homogène à pensée unique. Résultat d'un effort théologique et éditorial de réunir, à l'intérieur d'une même et immense bibliothèque, des traditions et des rouleaux d'époque diverses, véhiculant des idéologies différentes, voire contradictoires, elle regroupe tous les écrits fondateurs de ce qui va devenir le judaïsme. La Bible n'est pas née dans un vase clos, souligne encore Thomas Römer. Les sciences bibliques analysent ce que les textes canoniques ont emprunté aux civilisations environnantes, le Proche-Orient ancien, l'Égypte, la Mésopotamie, la Syrie, l'Asie mineure. Dans sa leçon inaugurale, il fait remarquer l'apparition du mot « Bible » dans le titre pour la première fois depuis 1530. Avant, on avait eu « Antiquité sémitique » ou « Hébreu araméen », comme si on n'osait pas prononcer le mot « Bible ». Lecteur assidu depuis ses 6-7 ans grâce à une Bible pour enfants, il raconte sa vocation. « Je lisais ces récits mythiques le matin chez moi alors que tout le monde était encore couché. Mais à 11 ans, c'est la découverte de la vraie Bible. Pas aussi drôle que la Bible pour enfants, je découvrais aussi des textes que celle-ci censurait. Mais j'avais le virus de comprendre. Ensuite, j'ai trouvé une stimulation intellectuelle dans l'exégèse sémiotique, dont je suis vite revenue. Il me reste cependant, aujourd'hui, le plaisir analytique à décortiquer les strates du texte. » Attaché au dialogue entre archéologues et biblistes, il souligne l'apport de la découverte des manuscrits de Qumran en 1947. Thomas Römer définit son approche historique et critique. « Mon but est de suivre l'élaboration d'un mythe, des récits fondateurs tels celui de Moïse. Je cherche à identifier comment ces textes anonymes ont vu le jour. » Il rappelle aussi que les premiers textes écrits sont en fait des textes de résistance à l'occupation assyrienne, à la façon d'une contre-histoire contre le pouvoir ennemi, montrant que le Dieu d'Israël est aussi puissant que le Dieu des Assyriens. Il souhaite déconstruire l'idée d'immédiateté, que la Bible serait un livre de recettes qu'on pourrait utiliser dans toutes sortes de débats politiques, éthiques ou moraux. Les fondamentalismes qui menacent sont liés à l'idée d'une immédiateté du texte fondateur. Or, d'une manière générale, le canon biblique confronte son lecteur à différentes options sans lui faire savoir celle qu'il doit retenir. Et nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour la leçon inaugurale de Thomas Römer, « Les cornes de Moïse, faire entrer la Bible dans l'histoire » le 5 février 2009. Il m'a paru opportun d'ouvrir cette leçon par une des figures les plus importantes de la Bible hébraïque, celle de Moïse. Peu nous importe pour l'instant de savoir si Moïse a existé ou non. Ce qu'on peut affirmer, c'est que sans lui, il n'y aura jamais eu de Bible. Il est à cet égard un vrai fondateur. Mais pourquoi, dans de nombreuses représentations, voit-on Moïse avec des cornes? La réponse qu'on donne traditionnellement à cette question est que Jérôme, traducteur de la Bible en latin, qui deviendra plus tard la Vulgate, s'est trompé, ou pire, a voulu diaboliser le fondateur du judaïsme. Mais cette explication est sans doute quelque peu simpliste, voire malveillante à l'égard de Jérôme. Le latin « et ignorabat quod cornuta esset facies sua » traduit l'hébreu « ou Moshe lo yada qui karan or panav ». Moïse ne s'était pas aperçu que la peau de son visage était « karan ». Presque toutes les traductions rendent la forme verbale « karan » que je n'ai pas traduite pour l'instant par « rayonnant, resplendissant », comme l'avait déjà fait le premier traducteur grec. Cependant, cette racine, qui n'est attestée dans la Bible sous forme verbale que dans ses récits du livre de l'Exode, est apparemment liée à un substantif plus largement attesté, « keren », qui, en hébreu biblique, signifie en effet « corne ». Il semble donc que la traduction de Jérôme soit la bonne et qu'il faille la réhabiliter au détriment des versions grecques, syriaques et des interprétations juives et chrétiennes traditionnelles. Excusez-moi. Pour quelle raison le rédacteur du chapitre 34 du livre de l'Exode a-t-il pu avoir l'idée d'imaginer un Moïse cornu descendant du mont Sinaï? Pour cela, il faut s'intéresser au contexte littéraire de cet épisode, qui est celui de la célèbre histoire du veau d'or. À cause de la longue absence de Moïse séjournant au sommet de la montagne de Dieu, les Israélites avaient décidé de se fabriquer un support pour rendre visible le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ceci sous la forme d'un jeune taureau. Le taureau est, dans le Levant, une manière courante de représenter notamment les dieux de l'orage. En se construisant une image bovine de leur dieu Yahvé, les Hébreux contreviennent, selon cette narration, à une interdiction fondamentale du Décalogue promulguée après leur arrivée au mont Sinaï, l'interdiction de la représentation du divin. C'est pour cette raison que Moïse, à son retour, détruit le table de la loi et le veau d'or. Mais ensuite, il remonte vers Yahvé pour obtenir le renouvellement du traité que Dieu avait auparavant conclu avec les Israélites. Lorsqu'il descend avec les nouvelles tables de la loi, les Israélites découvrent un Moïse cornu sans que lui-même se soit rendu compte de cette transformation. Les cornes, dans l'iconographie du Proche-Orient ancien, vous avez deux exemples, sont une manière courante d'exprimer la force d'un dieu ou d'un roi qui le représente. Ainsi, les cornes de Moïse expriment-elles une proximité inégalée entre Yahvé et Moïse. Cette proximité est d'ailleurs réaffirmée dans l'épitaphe du Pentateuque. « Plus jamais ne se levait en Israël un prophète comme Moïse, lui que Yahvé a connu face à face. » On peut encore aller un peu plus loin et se demander si Moïse a pris la place du veau d'or, du taureau, dont les cornes constituent un trait caractéristique. D'une certaine façon, c'est en effet le cas, puisque Moïse est le médiateur visible entre Yahvé et Israël. Il ne certes pas la représentation du Dieu d'Israël, mais il demeure définitivement son meilleur représentant. Se trouve affirmé de cette manière le statut tout à fait particulier de Moïse, sans qu'il n'y aura jamais eu de judaïsme. Il faut donc réhabiliter les cornes de Moïse. Mais cette démarche doit nécessairement s'accompagner d'un effort herméneutique, car pour la plupart de nos contemporains, un personnage doté de cornes évoque des associations négatives, pour ne pas dire diaboliques. Dès lors, on ne peut se contenter de traduire « la peau du visage de Moïse était devenue cornue » sans assortir cette traduction d'une explication sur le contexte socio-historique dans lequel est née l'idée d'un Moïse coiffé de cornes. L'enseignement et la compréhension de la Bible reposent tout d'abord sur une connaissance et une intelligence des milieux dans lesquels les différents textes de cette bibliothèque ont vu le jour. Je suis heureux que l'Assemblée des professeurs du Collège de France ait jugé utile de créer à nouveau une chaire consacrée à la recherche sur la formation et la composition de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, en terminologie chrétienne. Et je suis profondément touché et ému de l'honneur qui m'a été fait de me voir confier cette chaire. Vous avez pris un certain risque en y nommant un Allemand qui a fait la plus grande partie de sa formation en Allemagne et toute sa carrière universitaire en Suisse, loin des circuits académiques prestigieux de la France. Et je me demande avec crainte et tremblement si je serai à la hauteur de la tâche. Cette nomination, je la dois tout d'abord au professeur Jean-Marie Durand, qui m'a sollicité alors que nous ne nous connaissions pas personnellement et qui a présenté ma candidature à l'Assemblée des professeurs. Si mes travaux ont pu retenir son attention, c'est que j'ai eu un certain nombre de maîtres exceptionnels qui m'ont permis d'apprendre différentes méthodes et outils d'analyse pour comprendre et interpréter les textes de la Bible hébraïque. J'aimerais ce soir rendre hommage à trois d'entre eux. Le professeur Rolf Rentorf de l'Université de Heidelberg, dont les talents pédagogiques et les questions iconoclastes m'ont donné l'envie de concentrer mes études sur l'hébreu et la Bible. Madame le professeur François Smith, de la Faculté de théologie protestante de Paris, qui dès mon arrivée à Paris comme boursier, m'a chargé d'enseigner l'hébreu. J'ai ainsi appris le français via l'hébreu, en comparant des grammaires d'hébreu biblique en langue allemande et en langue française. La rencontre avec François Smith a été décisive pour ma carrière. Parmi toutes les choses que j'ai apprises d'elle, tant sur le plan humain que sur le plan intellectuel, j'aimerais mentionner cette curiosité contagieuse d'explorer de nouvelles méthodes et d'aborder le texte biblique dans une perspective comparatiste qui ne se limite pas au seul Proche-Orient ancien. J'aimerais ensuite rendre hommage au professeur Albert de Pury de l'Université de Genève, auprès de qui j'ai pu travailler comme assistant durant 5 ans. Sous sa direction, j'ai pu achever ma thèse de doctorat, sur laquelle il n'était au début guère d'accord. Il m'a fait découvrir, parmi bien d'autres choses, une qualité rare, qui dans le monde académique fait malheureusement souvent défaut, le respect des théories qui se trouvent en tension ou en contradiction avec celles que l'on défend soi-même, et le courage de mettre en question ses propres résultats de recherche. Comme vous le savez, l'enseignement et la recherche concernant les textes bibliques ont une longue tradition à l'intérieur du collège. Les chaires d'hébreu furent parmi les premières chaires fondées en 1530 et de nombreux savants occupant au Collège de France des chaires intitulées hébreu, hébreu et araméen, langue hébraïque, chaldaïque et syriaque, histoire ancienne de l'Orient sémitique, antiquité sémitique, etc., ont marqué les recherches historiques concernant la Bible hébraïque et le Levant. Un des premiers savants du Collège, dont le nom restera gravé pour toujours dans l'histoire des sciences bibliques, fut cependant titulaire d'une chaire en médecine. Il s'agit de Jean Astruc. Médecin et consultant du roi Louis XV, Astruc entre en 1731 au Collège royal au titre de la thérapeutique générale. Les sciences bibliques lui doivent l'invention de la théorie documentaire, c'est-à-dire de l'idée que la Torah ou le Pentateuque, la première partie de la Bible, n'est pas l'œuvre d'un seul auteur, mais qu'elle se compose de documents différents réunis par un ou plusieurs rédacteurs. En 1753, Astruc publie d'une manière anonyme les conjectures sur les mémoires originaux dont il paroît que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Son but était apologétique. Contre des savants tels Spinoza et d'autres, il voulait prouver que malgré le désordre apparent du Pentateuque, celui-ci était bel et bien l'œuvre de Moïse, qui aurait combiné deux mémoires de provenance différente ainsi que d'autres sources fragmentaires. Moïse en aurait construit un ensemble cohérent, mais des copistes ultérieurs auraient, par paresse, ignorance ou présomption, tout dérangé. Bien qu'Astruc ait perdu le combat en faveur de l'authenticité mosaïque de la Torah, il a pourtant offert à l'exégèse scientifique une méthode d'investigation dont celle-là se sert encore aujourd'hui avec bonheur. Dès la fin du XVIIIe siècle, se développa dans les universités de tradition protestante une approche dite historico-critique de la Bible, c'est-à-dire la volonté d'analyser la Bible avec les méthodes profanes de la philologie et de l'analyse littéraire et historique. La France, à l'exception de l'Université de Strasbourg, se montrait sceptique, voire hostile face à un tel examen des textes bibliques. Une des rares exceptions fut Ernest Renan, nommé au Collège de France en 1862 et qui fit connaître l'exégèse scientifique de la Bible en France en y apportant ses propres contributions. Étant parfaitement au courant des travaux des grands biblistes de son époque, tels Abraham Kuenen, Julius Wellhausen, et en contact direct avec eux, Renan veut analyser les origines du judaïsme et du christianisme selon une approche strictement scientifique, ce qui lui causera bien de problèmes. Critiqué et vilipendé, Renan réussit à établir que la Bible hébraïque est le résultat d'une longue évolution et que le yavisme exclusif, qui est à l'origine du judaïsme, ne se fait jour que dans les deux derniers siècles de la monarchie judéenne. Il affirme que l'on peut retracer les différentes étapes de la formation de la Bible grâce au progrès des méthodes exégétiques. Dans la préface de son Histoire du peuple d'Israël, il insiste avec raison sur le fait que l'historien de la Bible ne peut se contenter de reproduire la chronologie des rédacteurs bibliques, mais qu'il doit prendre en compte la distance qui le sépare des textes qu'il étudie. Permettez-moi de le citer. « L'histoire est obligée de tirer le plus de vrai possible des indices dont elle dispose. Elle fait la besogne la plus niaise du monde en racontant des fables puériles sur le ton de la narration sérieuse. » Après la révocation de Renan, le collège fit appel à Solomon Munk, qui, à cause de son appartenance religieuse, n'avait pas trouvé de poste universitaire en Prusse. Munk peut être considéré comme le fondateur des études juives en France, bien que s'intéressant surtout à la philosophie religieuse judéo-arabe, il publia également un livre contenant une description géographique et archéologique de la Palestine. L'époque de Renan et de Munk fut aussi celle de la naissance de l'archéologie scientifique, de l'égyptologie et de l'assyriologie, dont les découvertes épigraphiques bouleversèrent la vision traditionnelle de la Bible. La publication du récit du déluge, contenu dans les tablettes de l'épopée de Gilgamesh, fit éclater en Allemagne le Babel-Bibel-Streit, conflit à l'issue duquel il était devenu évident que les auteurs des textes bibliques s'inspirent souvent des traditions et des textes du Proche-Orient ancien qui les précèdent. Le récit biblique devait être confronté à la matérialité des découvertes archéologiques. Ce fut Charles Clermont-Ganneau, nommé au Collège de France en 1890, à une chaire d'épigraphie et antiquité sémitique qui renouvela les sciences bibliques par ses missions archéologiques en Syrie-Palestine. Nous lui devons beaucoup de choses, mais notamment le sauvetage de la stèle du roi moabite Mécha, vous pouvez la voir au Louvre, qui relate un conflit militaire entre Moab et Israël, dont parle également la Bible, quoique d'une manière assez différente. Cette stèle, découverte à Diban, l'ancienne capitale du royaume de Moab, mentionne notamment le nom propre du dieu national d'Israël, Yahvé, et fait preuve d'une théologie de l'histoire que l'on retrouve telle qu'elle dans certains récits de la Bible. Une défaite militaire est expliquée par la colère du dieu national contre son propre peuple. Jusqu'à nos jours, la stèle de Mécha est un des témoins les plus importants pour la reconstruction de l'histoire d'Israël au IXe siècle. Permettez-moi encore de rappeler que Charles Clermont-Ganneau a pu identifier deux importantes fraudes archéologiques, ce qui révèle, hélas, que les faux documents et objets sont aussi anciens que l'archéologie. Alfred Loisy, entrant au Collège de France après son excommunication en 1909, orienta les sciences bibliques dans une perspective résolument comparatiste en historien des religions, affirmant, je le cite, que la critique biblique existe pour elle-même et ne demande pas de permission pour être. Nulle puissance humaine ne peut empêcher que la Bible soit aux mains des nombreux savants qui l'étudient librement. Il ajoute, la question biblique devient la question religieuse en un sens beaucoup plus large que l'on l'a entendu jusqu'ici. Le rapport du monothéisme juif et chrétien avec les autres religions, est infiniment plus complexe qu'on ne le supposait jadis. Loisy démontra dans son ouvrage « La religion d'Israël » que le Pentateuque n'est pas un document historique et que les traditions sur les patriarches, dont le livre de la Genèse, sont des récits mythiques. L'approche comparatiste de Loisy fut poursuivie par Isidore Lévy et par Édouard Dorme, qui, bien qu'occupant une chaire d'assyriologie, fut en même temps un éminent bibliste et à qui nous devons une des plus belles traductions de la Bible en français dans la collection de la Pléiade. La découverte des manuscrits de Qumran à partir de 1947, auxquels s'ajoutèrent d'autres textes trouvés dans la région de la Mer Morte, fut certainement l'événement le plus important de la recherche biblique au XXe siècle. Jusqu'à là, on n'avait presque aucune trace matérielle des manuscrits de la Bible hébraïque avant le Moyen Âge. Alors que maintenant, nous possédons, quoique de manière fragmentaire, des attestations de presque tous les livres qui la composent, datant de quelques siècles avant l'ère chrétienne. Ces documents, dont certains divergent passablement de ce qui deviendra le texte officiel massorétique, confirment la grande diversité de la transmission textuelle des rouleaux qui formeront plus tard les trois parties du canon juif, Pentateuch, prophète et écrit. L'importance des textes du désert de Juda fut mesurée immédiatement par André Dupont-Sommer, dont le premier cours au Collège de France en 1963 fut consacré aux manuscrits de la Mer Morte. Dans ses travaux de traduction et d'interprétation, Dupont-Sommer fit ressortir la portée des écrits propres à la communauté de Qumran, qui nous éclaire sur le courant dit essénien et sur le judaïsme à l'époque romaine et sur les origines du christianisme. Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Thomas Romer, Les cornes de Moïse, faire entrer la Bible dans l'histoire en 2009 au Collège de France. Un autre grand moment pour les études sémitiques et bibliques fut la découverte du site d'Ougarit, Ras Shamra, en 1929. Grâce aux tablettes ougaritiques, on possédait pour la première fois des textes mythologiques mettant en scène des dieux, El, Baal et bien d'autres, dont la Bible mentionne le nom, pour Baal toujours dans des contextes polémiques, sans donner des renseignements précis sur les mythes et rites associés à ces divinités du Levant. Les textes ougaritiques de la fin du deuxième millénaire décrivent Baal avec des fonctions et des titres qui sont appliqués à Yahvé dans des textes bibliques, ce qui confirme l'idée que le Dieu d'Israël est, du point de vue de l'histoire des religions, un Dieu de l'orage, comme l'est Baal Hadad, le Dieu qui provoque la foudre et le tonnerre. Deux professeurs du Collège de France ont largement contribué à la découverte d'Ougarit. Claude Schaeffer, sur le plan archéologique, il fut le premier donc directeur des fouilles de Ras Shamra, et André Caco sur le plan textuel. On lui doit la traduction française des grands textes mythologiques, ainsi que des notes qui mettent en évidence les nombreux liens entre Ougarit et la Bible. Et en dernier lieu, Xavier Texidor a mis l'accent sur les études araméennes et s'est récemment intéressé à l'œuvre de Spinoza, un des fondateurs justement de l'analyse critique de la Bible. Ce trop bref survol a fait apparaître, je l'espère, que de nombreuses chaires du Collège de France n'ont pas seulement accompagné l'évolution et les progrès des sciences bibliques, mais qu'elles y ont largement contribué. En préparant ce petit historique, je me suis néanmoins aperçu d'une curiosité, mais monsieur l'administrateur m'a déjà pris la pointe. Sauf erreur de ma part, la chaire que vous avez bien voulu me confier et la première chaire du Collège de France, dans l'intitulé de laquelle le mot « Bible » apparaît explicitement. Comment expliquer ce phénomène ? Est-ce simplement le fruit du hasard, ou la France académique aurait-elle un problème avec le terme de « Bible » ? L'évitement du mot « Bible » s'explique-t-il par l'idée qu'on pourrait, sur le plan scientifique, s'occuper de l'hébreu, de l'araméen, de l'épigraphie, des antiquités sémitiques, mais que la Bible et son intelligence resteraient réservées aux synagogues et aux églises. La Bible hébraïque est l'un des grands documents fondateurs de la civilisation dite judéo-chrétienne, en tout cas de la civilisation occidentale. Elle est également un élément important pour saisir la naissance de l'islam et de la civilisation musulmane. Comment comprendre l'histoire, la littérature, l'art pictural et musical, et aussi un certain nombre de conflits géopolitiques actuels, sans connaissance approfondie des textes bibliques et de leur signification. Il ne fait aucun doute que la Bible continue à intéresser le public. La prétendue découverte récente du mur du palais de David par l'archéologue Elat Mazar, contestée par d'autres spécialistes, avec raison, n'a pas seulement tenu en haleine le public israélien, mais a connu des répercussions internationales. Rappelons aussi les nombreux articles consacrés à la Bible qui font régulièrement la une des grands hebdomadaires ou mensuels. Mais lorsqu'on lit ces articles, on est souvent ahuri par la naïveté des journalistes et leur manque de connaissances sur ce sujet. On trouve régulièrement des explications fantaisistes, par exemple sur le fondement historique des récits des plaies d'Égypte et de l'Exode. C'est l'éruption du volcan de Santorin. Ou des cornes de Moïse. En fait, il aura eu une maladie cutanée. Qui sont présentées dans les médias avec le plus grand sérieux. Pour parer à ces aberrations, et pour l'intelligence de notre culture, une formation solide en Bible paraît plus que nécessaire, que cela soit au niveau scolaire, universitaire ou dans le domaine de la culture en général. La Bible doit être examinée dans une perspective historique. Je suis peu sensible aux sirènes de la postmodernité qui clament la fin de l'histoire ou qui chantent les merveilles des lectures subjectives ou synchroniques au détriment d'une recherche rigoureuse. Je reste convaincu que l'intelligence de la Bible passe par le travail de l'historien. Certes, le danger de la circularité est particulièrement grand, car pour reconstruire les contextes historiques dans lesquels les textes de la Bible hébraïque ont vu le jour, le document le plus important est la Bible elle-même. Et on s'est contenté très longtemps d'une reprise savante de la chronologie des livres de la Genèse jusqu'au livre des Rois, en y ajoutant pour l'époque perse les livres d'Esdras et de Néhémie, les délestant certes de certains commentaires théologiques et des récits apparemment mythologiques ou faisant intervenir un peu trop de miracles. Mais restons assez confiants dans la chronologie biblique qui construit l'histoire d'Israël et de Juda, vous connaissez ça si vous avez suivi le catéchisme, selon le déroulement suivant. Patriarche, Moïse, l'Exode, la conquête, les juges, les débuts de la royauté du Royaume-Uni sous David et Salomon, l'histoire des deux royaumes d'Israël et de Juda jusqu'à leur disparition, l'exil babylonien et puis la restauration à l'époque perse. De nombreux ouvrages traitant de l'histoire d'Israël de style universitaire ou destiné à un public plus large adoptent encore cette chronologie, perpétuant ainsi une sorte de catéchisme scientifique. Or, les progrès des méthodes littéraires et de l'archéologie ont conduit à mettre en question, sur le plan historique, la construction de ce qu'on peut appeler l'historiographie biblique. Je me contenterai de quelques exemples. L'histoire des patriarches et celle de Moïse ne reflètent pas des événements de deux époques successives. Il s'agit de deux récits d'origine qui d'abord se trouvaient en concurrence. D'une part, la construction d'une identité à travers des généalogies et des figures d'ancêtres dans les récits des patriarches, d'autre part, un modèle identitaire qui ne repose pas sur le sang, mais sur l'acceptation d'une loi, d'un contrat dans la tradition mosaïque. L'arrangement chronologique de l'histoire des patriarches comme prélude à celle de l'Exode est le résultat d'une volonté de combiner ces deux mythes d'origine différents. L'installation des Israélites en Canaan n'est pas le résultat d'une conquête militaire comme la présente le livre de Josué. Les narrations contenues dans ce livre sont des reprises des textes de propagande militaire, notamment néo-assyrienne et néo-babylonienne. Des archéologues comme Israël Finkelstein et bien d'autres ont démontré que la naissance d'Israël n'est pas due à des invasions des groupes venant de l'extérieur. L'époque de transition entre l'âge du bronze récent et l'âge du fer se caractérise par une sorte de crise économique, déjà, qui se reflèterait dans la diminution de la densité urbaine. Cela va de pair avec le mouvement de colonisation rurale, modeste, il est vrai, des montagnes du centre de la Palestine. Ces implantations sont dues à un exode des couches basses de la population. C'est dans ce déplacement d'une population cananéenne qu'il faut voir l'installation d'Israël. L'opposition entre Israël et Canaan n'est donc pas une donnée historique ni ethnique. Il s'agit d'une opposition théologique dont le but est de distinguer le peuple de Yahvé des autres habitants du Levant. Le livre des Juges ne reflète pas une époque historique. Il s'agit d'une collection de légendes sur des figures héroïques provenant des différentes tribus israélites, collection que l'on a établie en plaçant ces récits dans une certaine succession chronologique. Quant au Royaume-Uni d'un Salomon qui aurait régné sur un empire s'étendant de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, il nous faut reconnaître que cette idée est une construction littéraire des auteurs de l'époque perse, dont le souhait fut de mettre toute la province de la Transeuphratène sur l'autorité d'un de leurs rois fondateurs. David et Salomon, dont l'historicité n'est pas au-delà de toute interrogation, nous ne connaissons aucun document extra-biblique de la première partie du premier millénaire qui mentionne un roi Salomon, ces rois ont dû régner sur un territoire assez modeste. D'ailleurs, selon les dires des archéologues, Jérusalem ne devient au premier millénaire une ville importante qu'à partir du 8e siècle avant notre ère. Elle est en effet, en tant que capitale judéenne, mentionnée pour la première fois dans des documents extra-bibliques, dans les annales du roi assyrien Sennachérib, qui relate le siège de Jérusalem en 701. La critique historique et les découvertes épigraphiques et archéologiques des dernières décennies convergent sur le fait qu'on peut, à l'époque de la royauté, ne parler de judaïsme pour décrire les systèmes religieux en Israël et en Juda. Les inscriptions de Kirbet Elkom et Kuntilet Ashrut ont confirmé que Yahvé n'était pas un dieu célibataire, mais associé à la déesse Asherah, dont le site Kuntilet Ashrut fut peut-être un des sanctuaires, comme l'ont suggéré tout récemment Nadav Naaman et Nurit Lizovsky de l'Université de Tel Aviv. Il est également plausible qu'il ait existé une statue de Yahvé dans les sanctuaires de Jérusalem et du royaume d'Israël à l'époque royale. La conclusion du psaume 17 « Moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasierai au réveil de ton image » exprime apparemment le désir d'être admis devant la statue divine. L'interdiction des images dans le décalogue n'est donc pas une prescription ancienne, mais une idée formulée au plus tôt au 7e ou 6e siècle avant notre ère. La négation des indices en faveur de l'existence d'une statue de Yahvé, est, me semble-t-il, souvent habitée par le souci, pas historique mais théologique, de distinguer Yahvé des divinités voisines. Une telle distinction existe en effet dans la Bible, mais elle est l'aboutissement d'un long chemin et non une donnée originelle. Le même constat s'applique au monothéisme biblique qui ne se met en place qu'à l'époque perse, tout en intégrant une dose de polythéisme, parce qu'un certain nombre des textes qui acceptent l'existence d'autres dieux ne sont nullement censurés dans la Bible. Il nous faut donc repenser notre manière de reconstruire l'histoire d'Israël et de Juda, et notamment l'élaboration de la chronologie narrative de la première partie de la Bible hébraïque. Celle-ci n'est pas première, elle est le résultat d'un effort théologique et éditorial de réunir à l'intérieur d'une même bibliothèque des traditions et des rouleaux d'époques diverses, véhiculant des idéologies différentes, voire contradictoires. Comment écrire une histoire d'Israël et de Juda au deuxième et premier millénaire avant notre ère? Et quelle est la place de la Bible dans cette reconstruction? Une des dernières tentatives d'écrire une histoire de l'ancien Israël émane de Mario Liverani. Dans son livre « Oltre la Bibbia », dont la traduction française porte le titre un peu malheureux « La Bible et l'invention de l'histoire », il distingue deux parties. « Una storia normale », où il reconstruit en historien cette histoire, et « una storia inventata », où il traite de l'invention des traditions fondatrices d'Israël, des patriarches, jusqu'au temple de Salomon, cherchant ainsi à mettre en évidence que les premiers livres de la Bible ne sont pas d'abord des documents historiques, mais ont plutôt une fonction identitaire. Dans le débat souvent passionné sur l'histoire d'Israël et la datation des textes bibliques auxquels on a recours pour construire cette histoire, deux camps s'affrontent, les maximalistes et les minimalistes. Les maximalistes partent de l'idée qu'il faut simplement faire confiance au récit biblique, fiable dans ses grandes lignes. Cette position, dont le fondement idéologique se trouve souvent dans la conviction que la valeur spirituelle ou la vérité, avec un V majuscule, de la Bible dépend de sa véracité historique, n'est, nous l'avons vu, scientifiquement pas tenable. Pour les minimalistes, tout commence seulement à l'époque achéménide, vers 400 avant notre ère, voire même encore plus tard, à l'époque hellénistique. Les partisans de ce point de vue font valoir que la Bible est une pure construction idéologique pour fonder le judaïsme entre le IVe siècle et le IIe siècle avant notre ère, et que le premier manuscrit matériel de la Bible, donc les manuscrits de la Mer Morte, date précisément de cette époque. Pourtant, le fait que les fragments de certains livres bibliques ou proto-bibliques de Qumran présentent des variantes textuelles importantes indique que ces livres n'ont pas été écrits pour la première fois à Qumran, mais qu'ils sont le résultat d'une longue histoire de transmission et de recopiage. On peut donc remonter dans la construction de l'histoire d'Israël et dans la datation du premier rouleau de certains récits bibliques de quelques siècles. Des découvertes épigraphiques, modestes, certes, mais néanmoins importantes, confirment cette vision. Les amulettes faites des feuilles d'argent trouvées dans une tombe de Ketephinom à proximité de Jérusalem et datant du 7e ou 6e siècle avant notre ère, contiennent une bénédiction qui est très proche de la bénédiction sacerdotale du chapitre 6 du Livre des Nombres. « Que Yahvé te bénisse, qu'il te garde, que Yahvé fasse rayonner sa face sur toi et qu'il pose sur toi la paix. » Une inscription de Kirbet Petlé, à 8 km de Lachish, du 7e siècle avant notre ère, et probablement à lire ainsi, vous voyez, c'est difficile le déchiffrement, « Yahvé est le dieu de toute la terre ou de tout le pays, les montagnes de Juda appartiennent au dieu de Jérusalem. » Il existe des parallèles bibliques pour les différentes parties de cette inscription. Le titre « Dieu de Jérusalem » conféré à Yahvé pourrait être mis en relation avec la centralisation du culte Yahvé à Jérusalem reflétée dans le livre de Deutéronome. Mentionnons encore l'inscription de Der Allah en Transjordanie du 8e siècle avant notre ère, contenant les débuts d'un discours de Balaam, fils de Béor, ayant reçu une communication des dieux. Il s'agit sans doute du même voyant dont traitent la narration et les oracles dans le livre des Nombres. Les rédacteurs de ce texte sont appuyés sur une tradition assez ancienne au moment où ils ont rédigé la version biblique de l'histoire de Balaam. Ces quelques cas suffisent pour souligner que le matériel et les traditions qui sont à l'origine de la Bible ne sont pas une pure invention de l'époque perse. Le Collège de France et France Culture vous présente l'exégète philologue Thomas Römer sur les cornes de Moïse, faire entrer la Bible dans l'histoire. Contrairement aux disciplines de l'assyriologie ou de l'égyptologie, qui ont encore des milliers de documents à déchiffrer, à éditer, les sciences bibliques ont affaire à un corpus clos, à un canon. Ce canon diffère selon les religions qui se fondent sur la Bible, judaïsme, catholicisme, protestantisme, mais les livres qui les constituent sont édités depuis longtemps, et il est peu probable que ces canons soient modifiés un jour. Cependant, les sciences bibliques ne peuvent se contenter de ce canon. Elles doivent examiner bien d'autres écrits et documents sans lesquels les textes canoniques n'auraient jamais vu le jour. La Bible n'est pas née dans un vase clos. L'intitulé de la chaire « Milieu biblique » est donc fort à propos, et je remercie mon collègue Jean-Marie Durand de l'avoir suggéré. C'est tout le croissant fertile qui a, d'une manière ou d'une autre, contribué à la formation de la Bible hébraïque. D'ailleurs, la Bible le manifeste explicitement. Considérez le début de l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse. La famille d'Abraham, le premier nom de l'ancêtre, est originaire d'Ur-Kastim. Elle se déplace ensuite à Haran, où Abraham reçoit l'appel divin, l'enjoignant de se rendre dans le pays de Canaan, qu'il parcourt depuis Sichem jusqu'au Negev, pour se rendre ensuite en Égypte. Ainsi, Abraham parcourt d'entrée de jeu l'ensemble du croissant fertile. Son parcours initiatique décrit l'espace géographique dans lequel le judaïsme va naître à l'époque perse, mais il couvre aussi les différentes cultures et empires qui ont influencé l'élaboration des textes de la Bible hébraïque. De nouveau, nous devons nous contenter de quelques brefs éclairages. La documentation abondante du Palais de Marie offre des analogies intéressantes avec des coutumes et des thèmes qui se retrouvent dans la Bible. Des stèles sacrées, révélations prophétiques qui sont mises par écrit, l'ascension d'un jeune héros à la royauté, etc. Ces documents éloignés des écrits bibliques de plus d'un millénaire posent, comme ceux d'Ougarit, la question d'une mise en relation raisonnée. On ne peut guère imaginer des dépendances directes des textes bibliques de ces documents. Il s'agit plutôt des structures analogues qu'on pourrait inscrire dans le concept de moyenne durée. Les travaux des égyptologues sont importants pour le bibliste, non pas seulement parce que le mythe fondateur principal de la Bible relate la sortie d'Égypte. On a passé beaucoup de temps et d'énergie à traquer les événements de l'Exode et la figure de Moïse dans des documents égyptiens, sans trop de succès. Et on a quelque peu négligé les contacts étroits entre l'Égypte et la Palestine au premier millénaire avant notre ère, époque souvent considérée comme décadente selon une certaine vulgate égyptologique. L'influence égyptienne à cette époque est pourtant immense, sur le plan historique et sur le plan littéraire. La troisième partie du livre des Proverbes, qui date sans doute de la fin de la monarchie judéenne, fait apparaître des ressemblances frappantes avec l'enseignement d'Amenhotep que le scribe judéen connaissait apparemment. L'Égypte est présentée d'une manière très positive dans l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse, qui est vraisemblablement écrite par un membre de la diaspora juive installé en Égypte dès le VIe siècle avant notre ère. Les documents provenant de la colonie militaire d'Éléphantine, qui attestent entre autres encore à l'époque perse de la vénération du dieu d'Israël, Yahweh, en compagnie de deux autres divinités, à la manière des triades égyptiennes, sont également d'une très grande importance. Le monothéisme et la centralisation du culte à Jérusalem avaient décidément du mal à se faire admettre. Un autre empire est aussi important que l'Égypte pour comprendre la naissance de la Bible, l'Assyrie. On pourra presque dire que le dernier livre du Pentateuch est un livre assyrien. Le livre du Deutéronome, dans sa forme primitive, est construit sur la base des traités des vassalités ou des serments de loyauté assyriens, et plus particulièrement du traité d'Assarhaddon vers 672, dont l'auteur de la première version du Deutéronome connaissait, semble-t-il, une copie. Dans le Deutéronome, c'est Yahvé qui a pris la place du roi assyrien. C'est donc au Dieu d'Israël que les destinataires du rouleau doivent une allégeance absolue et non au souverain étranger. On peut, en empruntant un terme des études juives, caractériser ce procédé comme une counter-history, une exploitation de l'historiographie de l'adversaire en la retournant contre lui. Die Geschichte gegen den Strich kämmen, prendre l'histoire à rebrousse-poil, selon l'expression de Amos Funkenstein. C'est aussi le cas pour la première mise par écrit de l'histoire de Moïse, qui reprend également un certain nombre de motifs assyriens. Ceci est particulièrement évident pour le récit de sa naissance et de son exposition, dont le parallèle le plus proche se trouve dans la légende de Sargon. L'auteur biblique voulait faire de Moïse une figure aussi importante que le fondateur légendaire des dynasties assyriennes. Bien que l'Assyrie soit abhorrée dans la plupart des textes bibliques, elle a néanmoins fourni aux scribes judéens les matériaux pour que ceux-ci puissent composer la première histoire d'Israël. Parmi les rares éléments consensuels dans la recherche biblique actuelle figure l'idée que la Torah, le Pentateuch ou un proto-Pentateuch, a été publiée sous la domination des Achéménides vers 400 avant notre ère. La Bible présente les Perses sous un jour favorable et les livres d'Esdras et de Néhémie identifient la loi du Dieu des cieux et la loi du roi perse. On a même avancé l'hypothèse que la publication du Pentateuch serait le résultat d'une initiative du pouvoir achéménide, ce qui, somme toute, est peu plausible. Pierre Briand rappelle à juste titre, je le cite, que l'importance de Judas n'est qu'une illusion d'optique créée par la répartition inégale de la documentation. Si du point de vue perse, les provinces de Juda et de Samarie ont pu apparaître comme une sorte de tiers-monde, L'époque achéménide n'en constitue pas moins un moment central pour la naissance de la Bible et du judaïsme. Les influences directes du mazdéisme sur la Bible sont difficiles à évaluer. Cependant, l'intégration de la Judée et de la Samarie dans l'Empire a fait naître pour la première fois l'idée d'une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Grâce à l'autonomie concédée au temple pour son culte sacrificiel, ainsi que sa gestion de la vie quotidienne et des rapports avec la diaspora, la classe sacerdotale et l'intelligentsia laïque ont renoncé à l'autonomie politique pour donner au judaïsme une identité qui n'a besoin ni de l'État ni du politique. Celui qui s'intéresse à la Bible ne peut pas non plus ignorer le monde hellénistique. Et pas seulement à cause de la Septante, les traductions grecques des textes bibliques qui, dans certains cas, ont été faites à partir des documents hébreux différents de ceux à l'origine du texte massorétique officiel. Des auteurs de l'époque hellénistique, comme Hécatée, Manéthon, Artapan, Flavio Joseph, nous permettent d'accéder à des traditions dont certaines, notamment sur les guerres de Moïse, ont pu exister à l'époque de la formation du Pentateuque, mais ont été censurées par ses rédacteurs. En outre, certains récits bibliques possèdent des parallèles troublants avec la mythologie grecque. L'histoire du sacrifice de la fille de Jephthé, dans le livre des Juges, se lit comme une version hébraïque de la tradition d'Iphigénie, à tel point qu'on pourrait se demander si l'auteur de ce passage du livre des Juges, qui très clairement a été ajouté à un récit plus ancien, n'a pas connu les tragédies d'Euripide. Il n'y a donc pas de mur entre la Grèce et le Proche-Orient en ce qui concerne la formation de la Bible. Depuis le 7e siècle au moins, avant notre ère, les marchandises circulent et avec elles les mythes. La Syrie, la Mésopotamie, l'Égypte et la Grèce, tous ces domaines sont représentés au Collège de France par d'éminents spécialistes. Et c'est un privilège de pouvoir s'occuper de la Bible dans un tel cadre. C'est aussi une chance de disposer de l'infrastructure du Collège qui ouvre ses salles, ses locaux à des colloques internationaux et interdisciplinaires. Le travail interdisciplinaire est devenu une nécessité pour les sciences bibliques, comme d'ailleurs le travail en équipe et en réseau. Les publications et orientations des recherches sur la Bible hébraïque ont atteint un tel degré de complexité qu'un chercheur, aussi savant soit-il, ne peut tout gérer seul depuis son bureau. On doit également tenir compte d'un déplacement géographique. Depuis le début de l'exégèse dite historico-critique, la troisième langue biblique était, après l'hébreu et le grec, mais avant l'araméen, l'allemand, tant les travaux des universités germanophones dominaient la recherche. Depuis une vingtaine d'années, le centre s'est déplacé vers l'Amérique du Nord, et l'anglais est à présent aussi en sciences bibliques, la nouvelle lingua franca. Ce déplacement est aussi un déplacement de méthode. Alors que l'exégèse germanophone s'intéressait avant tout à une critique diachronique minutieuse et parfois vertigineuse, parvenant à déceler dans un bref passage la présence de nombreux rédacteurs ayant à chaque fois transformé le texte antérieur, l'exégèse anglo-saxonne met davantage l'accent sur des approches historiques, sociologiques et anthropologiques. Il ne s'agit pas de choisir un camp contre l'autre, mais de combiner toutes les méthodes qui permettent de mieux comprendre les textes bibliques. Le grand exégète Martin Noth avait qualifié de « ehrlicher Makler », de « courtier honnête », le premier rédacteur des textes historiographiques de la Bible, car ce dernier, selon Noth, transmettait fidèlement les traditions reçues, même si celles-ci étaient contraires à ses propres vues. Il avait probablement tort. Mais j'aimerais reprendre et appliquer cette qualification à la description du travail du bibliste. En effet, il lui incombe en premier lieu de rendre justice au texte et de le défendre contre des récupérations et des interprétations abusives. C'est un exercice assez délicat, puisque la Bible, dans ses différentes variantes, est le document sur lequel se fondent le judaïsme et le christianisme. Dans les synagogues et les églises, les textes bibliques sont lus et interprétés dans une perspective religieuse. Ils sont destinés à nourrir la foi et à donner des repères aux croyants. L'analyse scientifique est dès lors parfois perçue comme menaçante, voire hostile à la lecture croyante, parce qu'elle mettrait en question la vérité de la Bible. Le rôle du travail scientifique sur la Bible n'est pas de se prononcer sur la valeur spirituelle que l'on peut trouver dans ces textes. Certains milieux intégristes semblent cependant vouloir faire de la Bible une arme idéologique pour défendre le créationnisme, l'inégalité entre les races ou entre hommes et femmes, la peine de mort et d'autres positions éthiques ou politiques réactionnaires. Face à ces récupérations, le bibliste ne peut se dérober ni fuir sa responsabilité vis-à-vis de la société. Il doit rappeler que la Bible n'est pas tombée du ciel, que ses textes ont été rédigés dans des circonstances historiques bien différentes de celles de notre époque. Mais surtout, il s'agit de rendre attentif au fait que la Bible n'est pas un corpus homogène, à pensée unique. Un des acquis de la recherche biblique est le fait incontestable que le Pentateuque est un document de compromis qui réunit dans un même texte fondateur des perspectives théologiques divergentes, sans imposer une seule lecture de ces divergences, mais laissant au lecteur le soin et la liberté de son interprétation. D'une manière générale, le canon biblique confronte son lecteur à différentes options, sans lui faire savoir celle qu'il doit retenir. Ainsi, l'histoire de la royauté est transmise deux fois dans la Bible hébraïque. D'abord dans les livres de Samuel et de Rois, puis dans une version que certains jugent plus moderne, dans les livres des Chroniques. En comparant les deux narrations, on constate un nombre important de divergences. Par rapport à des problèmes philosophiques comme le mal ou la question du libre arbitre, la bibliothèque de la Bible ne dicte pas une réponse, mais suggère au lecteur différentes manières de voir le problème. Donc le grand succès de la Bible, c'est aussi sa diversité. D'une certaine manière, la naissance de la Torah, puis de la Bible et du judaïsme relève du paradoxe. Pourquoi un des plus importants documents de l'humanité est-il né chez un petit peuple occupant un territoire considéré par les grands empires comme un hinterland assez peu intéressant? La plus grande partie de la Bible hébraïque peut être qualifiée de littérature de crise, car l'exil babylonien, bien qu'il n'ait concerné qu'une minorité de la population, constitue le fondement historique et aussi idéologique de la Bible et du judaïsme. Cet exil sera déterminant dans la construction de la mémoire collective de l'élite qui a organisé et transmis les textes qui constitueront la Bible hébraïque. Certains de ces textes narratifs et prophétiques expliquent les raisons pour la destruction de Jérusalem et de la déportation. D'autres textes, prophétiques notamment, reflètent l'espoir d'un rassemblement des dispersés et d'un avenir de paix. Mais le document le plus important, c'est la Torah, le Pentateuque, qui construit la cohésion de la communauté post-exilique et en dispersion dans un espace non sédentaire, non politique, confiant la médiation de la loi et du contrat avec Dieu à Moïse et non au roi. Cette Torah fait alterner des récits et des textes prescriptifs, fondant ainsi l'identité de la nouvelle religion sur un grand récit d'origine et des prescriptions et des rituels qui nécessitent constamment adaptation et interprétation. Contrairement au temple et au palais, la Torah est mobile. Elle peut fonctionner en dehors du pays, correspondant ainsi à la situation du judaïsme en diaspora. Ce décloisonnement a permis la rencontre entre la Torah et la culture hellénistique, et la naissance d'une Bible grecque à côté d'une Bible hébraïque l'a définitivement établie comme un des fondements de la civilisation occidentale. La tâche des sciences bibliques est donc de rendre accessibles des outils et des hypothèses pertinents pour saisir l'intelligence de cette bibliothèque. Le travail ne manque pas, car depuis quelques décennies, la plupart des grandes théories sur la formation du Pentateuque, des livres historiographiques et du corpus prophétique qui ont été élaborés à la fin du XIXe ou dans la première partie du XXe siècle ont connu de sérieuses mises en question. Cela ne signifie nullement que toutes les observations et découvertes qui furent à l'origine de ces hypothèses soient à rejeter. Elles doivent être vérifiées à l'aide de nouveaux outils, informatiques et d'autres, et à la lumière de nouvelles découvertes archéologiques et être repensée en vue de nouveaux paradigmes. Les trois chantiers suivants me semblent urgents et prometteurs. L'histoire de la formation du Pentateuque. S'il existe un certain consensus sur le moment de la première édition de la Torah vers 400-350 avant notre ère, la question « comment, quand et par qui ?» les différentes traditions et les différents documents ont été collectés, révisés et combinés, et dans quel but, ne fait l'objet d'aucun accord. L'année dernière s'est mise en place, et je crois que c'est une première, un réseau de recherche regroupant des spécialistes de la Bible hébraïque de plusieurs universités allemandes, suisses, italiennes et du Collège de France, travaillant avec des modèles différents, mais convaincus que le temps des chapelles scientifiques est révolu. Et que de la confrontation d'hypothèses divergentes peut naître un nouveau paradigme. Le cours sur Abraham, avec lequel je voudrais commencer mon enseignement au Collège de France, s'inscrit dans cette quête d'une nouvelle intelligence du Pentateuque. Ensuite, une nouvelle reconstruction de l'histoire d'Israël et de Juda au deuxième premier millénaire avant notre ère. Cette nouvelle synthèse devrait prendre en compte autant que possible toute la documentation dont nous disposons et se libérer de la chronologie biblique. C'est en confrontant l'histoire de l'historien à l'histoire des auteurs bibliques que le sens de cette dernière apparaîtra plus clairement. Et finalement, un travail comparatiste sur les mythes fondateurs de la Bible, origine du monde, des hommes, de la condition humaine, de la civilisation, de la royauté, etc. En français, le terme mythe suscite souvent des connotations négatives. Or, il faut réhabiliter le mythe, car il sert, dans le monde antique comme aujourd'hui, à exprimer sur le mode narratif des interrogations, des quêtes, des angoisses et des espérances pour lesquelles d'autres types de discours ne sont pas toujours disponibles. La Bible, à part peut-être le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, ne contient pas de traités philosophiques et préfère le langage mythique. Ainsi, l'anecdote mythologique des cornes de Moïse renferme-t-elle, entre autres, une réflexion complexe sur l'inadéquation des représentations du divin ou du transcendant, tout en admettant la nécessité des telles représentations. Thème passionnant, mais dont je ne pourrai plus traiter ce soir. J'aimerais remercier Michael Langlois de son support technique et moral, et j'aimerais vous remercier, vous tous, de votre attention. La leçon inaugurale de Thomas Romer, Les cornes de Moïse, faire entrer la Bible dans l'histoire, le 5 février 2009 au Collège de France. Le texte de cette leçon est publié chez Fayard en 2009. Il a également publié Moïse en version originale, Enquête sur le récit de la sortie d'Égypte, Exode 1.15 chez Bayard en 2015, et Au seuil, l'invention de Dieu. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations liées à cette diffusion. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Un grand merci à notre équipe de réalisation, Olivier Guérin et Alex Dang, et un grand merci à la documentation d'actualité de Radio France. Bonne fin de journée à l'écoute de France Culture.